On passe le temps comme on peut, on s'assoit sur un banc, on regarde marcher les gens, on regarde passer le temps. Sur ma montre en argent, dans les poches plus beaucoup d'argent. Une fin du mois difficile, un salaire minable, un patron et ce chef d'état qui nous traite d'incapables. Chaque matin on se réveille, on compte bien montrer aux personnes qui croyaient pas en nous de quoi on est capable. La famille et ses amis qui nous soutiennent et qui savaient qu'on allait s'en sortir sans passer par la suce. Dans ma vie on a galéré, on va pas vous mentir bien sûr. On a comme un goût amer de la vie. Des fois on est en manque comme un tos qui attaque sa première gélule. Comme un vendeur qui cache sa face ma scène dans de la lune. On passe le temps comme on veut, on se débrouille comme on peut. Les laissés, ce qui nous rapporte du fric, c'est pas notre faute. Si on est tombé aussi dans le trafic, c'est ce qui nous fait vivre aujourd'hui. Moi et toute ma clique, on passe le temps comme on veut, on se débrouille comme on peut. Les laissés, ce qui nous rapporte du fric, c'est pas notre faute. Si on est tombé aussi dans le trafic, c'est ce qui nous fait vivre aujourd'hui. Moi et toute ma clique. On passe le temps dans ma vie de chien, rien, je sens tous les miens. On passe le temps à rien faire, un sale délire de galérien. Bienvenue dans ma galère, au quartier ça part de rien. Mais c'est ce qui paraît pour la guerre sous-sol vers le aérien. Sur la boussole, au père, oh, même tout seul, je perds mon fils. Si je saute, c'est y'a les risques qui m'en serrent. Y'a les flux qui m'enterrent. Donne au stupé. Les commentaires dans les iris, voient les enfermes sont les prémices de la paix. C'est dans les vis de la verre, dans le bis de l'amnesse, dans la tisse, dans le pèse, dans ta mise, dans ses fesses. Si on mise pour le pèse, pour un zeste de survie, mes habs veulent le tiroir qui est slamé, faut qu'elle survive. Qui même me suivent, le futur c'est des ogives tout de suite. Pour le bif des trucs quasiment horribles, esquive les trous, la hesse, nous on veut les pics tout aussi. Rêve de chiffres à rendre pour un tous les chemins. On passe le temps comme on veut, on se débrouille comme on peut. Les laissés, ce qui nous rapporte du fric, c'est pas notre faute. Si on est tombé aussi dans le trafic, c'est ce qui nous fait vivre aujourd'hui. Moi et toute ma clique, on passe le temps comme on veut, on se débrouille comme on peut. Les laissés, ce qui nous rapporte du fric, c'est pas notre faute. Si on est tombé aussi dans le trafic, c'est ce qui nous fait vivre aujourd'hui. Moi et toute ma clique. Y'a des choses qu'on n'oubliera jamais. Des frères incarcérés, prise de peine. Voilà où on nous mène, enfermés derrière des barres de fer. Et si je me sers des verres, c'est pour penser et passer à travers cette tempête de l'enfer. Sois là à te taire quand il s'agit d'une interpellation. Esquiver la prison et les cons qui se la montrent quand tu pètes des plombs longs. Et ces substances illicites qui nous pourrissent les poumons. Chaud et le bitume, squatter à 10-20 et de bourbon. Allumer des champs en guise de bonbons. Fisque le pognon, baisse l'immigration, les discriminations. On se fait pas l'éducation depuis notre ancienne génération. Paix aux anciens, aux déterres, aux fistons. Paix aux anciens, aux déterres, aux fistons. T'inquiète, nous on se relève si on tombe. On passe le temps comme on veut, on se débrouille comme on peut. Les laissés, ce qui nous rapporte du fric, c'est pas notre faute. Si on est tombé aussi dans le trafic, c'est ce qui nous fait vivre aujourd'hui. Moi et toute ma clique, on passe le temps comme on veut, on se débrouille comme on peut. Les laissés, ce qui nous rapporte du fric, c'est pas notre faute. Si on est tombé aussi dans le trafic, c'est ce qui nous fait vivre aujourd'hui. Moi et toute ma clique. Ok, l'honnête, yeah, killer, MMAS, yeah. On avance, t'inquiète, bleh. Puis à ceux qui triment, yeah, ceux qui s'en sortent, on chip et serre de bras, yeah. Yeah, yeah.